Section 46 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 9, première partie, du 10e au 12e siècle, suite, par Arthur Giry et André Réville. Extension du commerce au 12e et 13e siècle. Ajoutons à tout cela qu'une multitude de monnaies différentes circulaient en Europe, ce qui rendait l'échange très compliqué, que la politique économique des rois fut souvent déplorable, que le droit de prise qu'ils exerçaient dans leurs voyages était le pillage érigé en principe, que les lois somptuaires auxquelles ils recoururent sottement eurent pour effet de réduire la consommation et par suite la production. N'importe. Une fois initié au secret du commerce, l'Occident ne cessa de puiser à cette source de jouissance et de richesse. À mesure qu'on avance dans le XIIe et le XIIIe siècle, l'ordre public s'affermit, la population devient plus dense, les communications plus faciles, la civilisation s'affine, et des bords de la mer, elle gagne les provinces reculées. Les obstacles s'abaissent, et le théâtre de l'échange s'étend. Le trafic, très modeste au début, se dégage lentement de ses entraves. À la fin du Moyen-Âge, il sera devenu très actif. Principales routes et principaux objets de commerce. La Méditerranée. Les conditions mêmes dans lesquelles se faisait l'échange, étendu plutôt qu'abondant, eurent pour effet de limiter le nombre des voies qu'ils suivaient. Au lieu de se disperser, comme aujourd'hui dans tous les sens, grâce au système varié de communication qui rayonne autour de chaque foyer de travail, il se canalisa le long de quelques routes naturelles et aisées qui s'imposaient aux marchands et dont ils s'écartaient le moins possible parce qu'elles joignaient entre elles les principales zones de production. Les plus fréquentées étaient celles qui assuraient les relations d'affaires entre l'Europe et l'Orient. La voie principale de ce commerce, on pourrait dire la voie unique, car celle du Danube, plus coûteuse, était presque désertée, était la Méditerranée. Elle était sillonnée de navires, voguant par flottilles, qui transportaient pèlerins et croisés en Terre Sainte ou en Égypte, qui allaient chercher à Alexandrie les épices de l'Inde. Ils achetaient aussi, sur les inépuisables marchés du Levant, auxquels nulle concurrence ne devait de longtemps arracher leur monopole, à Alexandrie, aux Seychelles, à Constantinople, à Trébizonde, les sucres, les médicaments, comme l'aloès, le camphre, le laudanum, la rhubarbe, les parfums d'Arabie, l'encens, que l'Église était condamnée à demander aux infidèles, les teintures, comme le vermillon, l'indigo, la noix de Galles, les soies de la Syrie et de la Chine, les fils d'or et d'argent, les tapis d'Asie mineure et de Perse, les cotonnades de l'Égypte, les mousselines de l'Inde, les verreries de Tyr et de Damas, les porcelaines de Chine, les perles de Ceylan, les pierres précieuses, l'ivoire d'Afrique. En somme, commerce de luxe. En retour, l'Europe envoyait aux Orientaux des draperies et des laines d'Italie, du Languedoc, surtout les fameux tissus de Flandre, des armes, des vins, des huiles. Les armateurs de Gênes et de Venise s'enrichissaient aussi par un trafic moins noble, la traite des esclaves. Ils allaient, sur les bords de la mer Noire, acheter des jeunes gens et des jeunes filles de belle race, et les vendaient aux musulmans d'Égypte et même aux riches Italiens. Cependant, l'exportation des produits d'Europe était loin de balancer l'apport incessant des denrées et des objets d'Orient, et souvent nos commerçants, en échange de ce qu'ils acquéraient, n'offraient qu'une certaine somme d'argent monnayé ou des lingots de métal précieux. Cette constatation devait remplir d'effroi les hommes d'État au Moyen Âge, car les espèces en circulation étaient peu abondantes, et le numéraire, qui diminuait chaque année, allait faire défaut au XVe siècle. Or, le numéraire, à leurs yeux, n'était pas seulement un signe de richesse, c'était la richesse elle-même. Ils interdirent alors de porter chez les infidèles les métaux précieux des chrétiens. Mais l'intérêt du commerce fut le plus fort, et l'Orient ne cessa d'engouffrer le numéraire européen. La mer du Nord et la Baltique. Parallèle à la Méditerranée, une autre voie ouvrait aux négociants de l'Europe occidentale l'accès des marchés scandinaves, allemands et russes. C'était la mer du Nord et la Baltique. Elle se substitua aux routes continentales, comme la Méditerranée avait dépossédé la ligne du Danube. Le Moyen Âge fut l'époque des mers intérieures. Cependant, si cette voie fut un jour un actif foyer d'échange, cela n'arriva qu'assez tard, au XIVe et au XVe siècle. Au XIIe, de rares aventuriers s'y engageaient, tant elle était semée de dangers, tant les populations riveraines étaient rebelles à la civilisation. C'est au XIIIe siècle seulement que le commerce s'y développa et commença à s'organiser. De ce côté, le trafic fut tout différent de ce qu'il était sur la Méditerranée. Celle-ci ne transmettait à l'Europe que des objets de luxe. La Baltique et la mer du Nord l'approvisionnèrent de matières brutes. Les navigateurs de Lübeck, de Brême, d'Amsterdam et des autres ports de ces régions allaient chercher en Angleterre des peaux de bêtes, à Bergen les bois de Norvège, en Suède du goudron, de la cendre clavelée ou cendre de bois pour la teinture. À Reval et à Riga, les produits mis en vente aux foires de Novgorod, les fourrures, les cuirs et les suifs de Russie. En échange de ces marchandises dont ils fournissaient l'Europe, ils achetaient à Bruges des tissus de Flandre, de ces étoffes que l'on appréciait partout, et aussi des épices, des denrées et des objets de prix, qui, de la Méditerranée, avaient été apportés jusque-là, et qu'ils distribuaient dans les pays du Nord. Enfin, la pêche était aussi pour eux une source de richesse. Le peuple, dans les campagnes et même dans les villes, se nourrissait en partie de crasse-pois. Ce hareng provenait, en immense quantité, non de la mer du Nord où cette espèce n'avait pas encore émigré, mais de la Baltique où se mouvaient d'énormes bancs. Les voies de pénétration. Telles étaient les deux grandes routes du commerce qui traversaient l'Europe d'ouest en est. Celles-ci, d'autre part, étaient percées, du nord au sud, d'une série de voies de transit qui s'enfonçaient à l'intérieur du continent, qui rayonnaient en divers sens, où le trafiquant s'engageait, déballant sa cargaison dans tous les centres de consommation, achetant au passage les produits de l'industrie locale, portant jusque dans les régions septentrionales les denrées méditerranéennes et les articles d'Orient, surtout les indispensables épices. Au retour, il faisait le parcours inverse, et par ces mêmes chemins, les marchandises de la Baltique, des provinces du Nord et notamment de la Flandre, se répandaient loin des côtes et parvenaient aux zones du Midi, d'où la mer en convoyait une partie jusqu'en Orient. C'était comme autant de pompes aspirantes et foulantes, prenant et débitant sans cesse. La principale de ces voies de pénétration était celle qui reliait l'Allemagne à la Méditerranée. Jusqu'au XIe siècle, les marchands de Germanie descendaient le Danube, quand la route n'était pas barrée, et allaient s'approvisionner à Constantinople des produits orientaux. Depuis la renaissance du commerce maritime, ils préférèrent les acheter dans les villes italiennes, notamment à Venise. Partant de Venise, ils franchissaient les Alpes par le col du Brenner. Puis, les uns descendaient l'Isar et le Danube, dans la direction de l'Autriche et de Vienne. La plupart descendaient le Lech et gagnaient de grands centres, comme Augsbourg et Nuremberg. Ceux qui voulaient continuer leur course vers le nord rejoignaient le Rhin et pouvaient ainsi atteindre les riches districts des Pays-Bas et de la Flandre. Un autre courant commercial, plus favorisé de la nature que le précédent, mais moins intense, parce qu'il ne s'alimentait pas à un port de premier ordre comme Venise, s'était dessiné du golfe du Lion aux mers septentrionales. Il suivait le Rhône et la Saône, où il se divisait en plusieurs branches. L'une, par la Moselle, se reliait au Rhin, au pays de Cologne, à la mer du Nord. Les autres, par la Meuse, la Seine et ses affluents, desservaient la Champagne, le bassin de Paris, la Normandie et la Flandre, l'Angleterre. En général, les marchands préféraient les voies fluviales aux routes de terre, car elles étaient moins coûteuses et plus sûres. Et cependant, vers le milieu du XIIIe siècle, les grands chemins aussi commencent à être régulièrement fréquentés. Exemple, le Brenner. De même, les trafiquants qui venaient de Lombardie en France, s'ils ne débarquaient pas à Marseille ou à Aigues-Mortes, franchissaient les Alpes, soit au Mont-Cenis ou au Petit-Saint-Bernard, d'où ils descendaient à Grenoble par la vallée de l'Arc ou celle de l'Isère, soit par le Grand-Saint-Bernard, où ils gagnaient Genève, puis Lons-le-Saulnier, par le col de Saint-Sergue, ou bien encore par le Saint-Gothard, d'où ils se dirigeaient sur Berne, et de là sur Dijon par Pontarlier et Dôle. C'est par les voies de terre que la riche et commerçante Champagne communiquait avec la Flandre et avec l'Allemagne. C'était trois routes aussi qui reliaient Paris au Languedoc. Celle de Bordeaux et Poitiers, celle de Toulouse et Périgueux, celle du Puy, de Clermont-Ferrand et de Bourges. Toutes trois convergeaient à Orléans. C'est sur les chaussées, enfin, que roulaient les chausse-marées, qui portaient en hâte le poisson, des ports de la Manche aux Halles de Paris. L'océan et la Manche. Une autre voie, maritime celle-là, reliait encore le nord et le sud de l'Europe, celle de l'océan et de la Manche. Dès le XIIe siècle, les Bayonnais pêchaient la baleine dans le golfe de Gascogne. Ils achetaient à l'Espagne du plomb, de l'étain et du cuivre, à la Flandre des harengs salés, et ils exportaient des laines, des cuirs, du chanvre et du lin, de la cire et du miel. Bordeaux expédiait des vins en Grande-Bretagne par l'intermédiaire, il est vrai, de navires anglais, des vins et des blés en Écosse, en Flandre et en Allemagne. Nantes envoyait du sel, des blés, des fruits, des toiles en Espagne, en Angleterre, en Flandre et jusque sur les bords de la Baltique. Rouen était en relation régulière avec Londres. Elle avait un comptoir sur les bords de la Tamise et échangeait les vins de Bourgogne et de France contre les laines, le cuivre, le plomb et l'étain d'Angleterre, contre les produits des pays baltiques. L'écluse servait de port à la puissante ville de Bruges, à la métropole de la fabrication des draps et des toiles. Au XIVe siècle, enfin, des flottes vénitiennes, que l'océan n'effrayait plus, devaient entreprendre chaque année le périple de la péninsule ibérique à destination de l'Angleterre et de la Flandre. Telles étaient les principales artères de la circulation commerciale au XIIIe siècle. Elles se coupaient à angle droit et donnaient à l'Europe une vague ressemblance avec un échiquier irrégulier dont les lignes transversales étaient marquées par la Méditerranée et la Baltique, dont les lignes verticales étaient formées par une série de voies orientées du nord au sud, fluviales, terriennes ou maritimes. Les marchés. De place en place, ces routes, grandes et petites, étaient jalonnées de marchés, où trafiquants et consommateurs venaient opérer leurs transactions. Les marchés furent innombrables au Moyen-Âge. Les seigneurs en établissaient sur leurs terres et ils attiraient les commerçants avec une assistance d'autant plus grande qu'ils prélevaient sur la vente des objets et la location des étaux des droits parfois élevés. La plupart de ces marchés étaient des centres d'affaires purement régionaux. D'autres attiraient les commerçants de très loin et devinrent d'intenses foyers de transactions. Tels étaient par exemple ceux de Rouen, de Reims, d'Orléans, de Toulouse. telle était la halle de Paris, que Louis le Gros établit dans la plaine de Champeaux, ou des petits champs, à côté de la ville, et que Philippe Auguste agrandit en 1183. C'était un véritable bazar d'Orient. Les merciers étalaient le vendredi, les drapiers le samedi. Différentes places étaient réservées aux courroyeurs et aux cordonniers, aux chaudronniers et ferronniers, aux lingères et aux fripiers, aux marchands de poissons, de grains, de farine et de pain. Aux jours affectés à tel ou tel trafic, les commerçants du même métier qui avaient boutique à Paris étaient tenus de fermer leurs magasins et de venir vendre aux halles, sous peine d'une amende d'au moins 40 sous, et qui doublait à chaque récidive. Seules, certaines corporations s'étaient faites exempter de cette obligation, d'ordinaire à beau denier comptant. À ces marchands, d'autres venaient s'adjoindre, non seulement de la banlieue, mais aussi de provinces éloignées. Des corps de bâtiments distincts étaient réservés aux drapiers de Beauvais, de Saint-Denis, de Douai, de Lagny, de Pontoise, de Chaumont, de Corbie, d'Avesnes, d'Aumale, de Gonesse. L'activité commerciale qui régnait en ce lieu émerveillait les contemporains, et Jean de Jandun, qui composait en 1323 un éloge de Paris, renonçait à dépeindre ce que ses yeux avaient contemplé. Les foires. Il y avait aussi d'autres marchés qui ne se tenaient pas en permanence, mais où les transactions atteignaient cependant un chiffre très élevé. C'étaient les foires où les trafiquants de tout pays se donnaient rendez-vous. Se réunir à époque fixe, périodique, en certains lieux déterminés, tel était toujours le seul moyen pour les grands commerçants de se rencontrer, d'échanger leurs produits ou de les vendre aux marchands au détail, aux colporteurs qui alors remplissaient leurs balles pour reprendre leur éternel voyage. Le Moyen-Âge tout entier fut la belle époque des foires que la civilisation moderne a rendue inutile, quand même elle semble renaître sous la forme des expositions. Chaque pays, chaque région avait la sienne. Il y en avait d'assidûment fréquentées en Italie et en Espagne, dans l'Allemagne du Sud et dans les vallées rhénanes, notamment à Francfort-sur-le-Main, à Duisbourg et à Aix-la-Chapelle, où Frédéric Barberousse en institua en 1173. En Flandre, on signalait celle d'Ypres, de Bruges, de Tourouette, de Lille. En Angleterre, les principales foires étaient celles de Stamford, de Saint-Yves, de Saint-Botolph, de Winchester, de Northampton, mais la plus fameuse avait lieu à Stourbridge, près de Cambridge, sur un champ qui appartenait au monastère de Barnwell. C'est là que les collèges d'Oxford achetaient, en vue du carême, leurs provisions de hareng fumé. Toutefois, les plus importantes se tenaient en France. Celles de Saint-Romain, à Rouen, de Caen, de Guingamp, en Bretagne, de Dijon, de Toulouse, de Carcassonne, attiraient une nombreuse affluence. Entre toutes se distinguaient les foires du Landy, de Beaucaire et de Champagne. Le Landy était d'ancienne origine, peut-être se rattachait-il par une filiation ininterrompue à la vieille foire de Saint-Denis, dont l'histoire nous révèle déjà l'existence au 8e siècle. Le fait est incertain. Il s'ouvrait le 11 juin dans la plaine de Saint-Denis et durait 15 jours. Chaque ville de France y possédait sa place, chaque métier ses boutiques. On y vendait de tout, depuis des chevaux et des charrues, jusqu'à des tapisseries et de la vaisselle d'argent. Le recteur de l'Université de Paris, les professeurs, les écoliers et les suppôts s'y rendaient en procession, faisaient leurs provisions de parchemin, et c'est alors seulement que les marchands pouvaient vendre au public. Les Parisiens se pressaient à cette foire, c'était de mode. « J'achèterai cela au Landy », disaient-ils, quand ils avaient besoin de quelque objet nouveau. Ils y faisaient leurs emplettes, mais en même temps, ils prenaient plaisir à s'ébattre, à regarder les baladins, à écouter les ménestrels, à banqueter. Les écoliers se livraient à de folles orgies, après quoi ils insultaient les femmes et recelaient les bourgeois. Beaucaire, situé sur le Rhône, non loin de Marseille et d'Aigues-Mortes, au débouché d'une grande voie de transit entre la Méditerranée et les plaines industrieuses du nord de l'Europe, attirait sa foire annuelle, qui, au XIIe siècle, s'ouvrait en mai, et qui plus tard commença le 22 juillet. Les négociants de Barcelone, de Gênes, de Venise, de Constantinople, d'Alexandrie et du Levant, de Tunis, du Maroc. C'était le rendez-vous d'affaires du Midi de la France. Mais la palme revenait sans conteste aux foires de la Champagne. Admirablement située au cœur de l'Europe civilisée, reliée à la Manche par l'Aube, la Marne et la Seine, à la Méditerranée par la Saône, touchant à la Meuse, peu éloignée du Rhin, la nature avait fait de cette province un foyer d'échange vers lequel convergeaient de toutes parts les routes du commerce européen. Les comtes de Champagne avaient tiré parti de ces avantages avec une rare intelligence. Les taxes qu'ils prélevaient n'étaient pas lourdes, et d'autre part, ils plaçaient la sécurité des marchands sous leur sauvegarde, en leur assurant, avant même d'entrer sur le territoire champenois, le conduit de la foire. À cet effet, ils avaient conclu des conventions avec le roi de France et le duc de Bourgogne. Sous le règne de Louis VII, des changeurs de Vézelay furent détroussés par le fils du vicomte de Sens. Aussitôt, le comte de Champagne, Thibault le Grand, écrivit à Suger que s'il ne tirait pas justice de ce forfait, il faudrait se résigner à la destruction des foires. Si le crime était commis au loin, sur les terres d'un seigneur indifférent ou malveillant, et qui daignait réparation, le comte savait, au besoin, imposer le respect de ses saufs conduits. Il excluait des foires les compatriotes des coupables, et ne les accueillait de nouveau qu'après avoir obtenu satisfaction. En 1315, un serviteur du duc Frédéric IV de Lorraine rançonna un marchand italien. Le comte réclama une indemnité, le duc refusa. Enfin, après une lutte de 18 ans, le successeur de Frédéric se soumit. Rien n'était ménagé non plus pour assurer la tranquillité des foires, la loyauté des transactions. La juridiction et la haute surveillance étaient déléguées à deux gardes, custodes, au magistri nundinarum, et à un chancelier assisté de lieutenants et de sergents à pied et à cheval, qui maintenait l'ordre dans cette foule de marchands de toute langue et de tout costume, de vagabonds, de ribauds et de mendiants. Des notaires rédigeaient les contrats, et moyennant un droit modique, y faisaient apposer le sceau des foires. Enfin, les effets de commerce étaient bien garantis, car le créancier était autorisé à saisir les biens de son débiteur. Si celui-ci ne payait pas, il était flétri, et ne pouvait revenir avant de s'être acquitté. La nature et la politique faisaient de la Champagne un centre de transactions incomparable. Au XIIIe siècle, les foires de Champagne étaient au nombre de 6. Elles avaient lieu chaque année à Lagny, à Bar, 2 fois à Provins, au printemps et en septembre, 2 fois à Troyes, en juillet et en automne. Chacune d'elles durait 48 jours en moyenne, elles se succédaient presque sans interruption. Les plus considérables étaient la foire de mai à Provins et la foire de juillet ou foire chaude à Troyes. Il y venait des commerçants de tout pays, des Français de chaque province, sauf de Bretagne, d'Anjou et de Gascogne, des Flamands, des Allemands du Sud et des districts rhénans, des Italiens, des Espagnols, peu de Provençaux et d'Anglais. Chacun apporte sa part de marchandises, chaque nation, chaque ville même, a son consul ou son capitaine. Les Italiens, outre leurs 23 consuls en 1278, ont un recteur, qui est leur représentant officiel auprès du comte. Les 8 premiers jours, on déballe et on s'installe. Le 9e, la véritable foire commence. Alors, 10 jours durant, on expose et l'on vend des étoffes. Ce sont les jours de drap. Tissus de laine, tapis de Picardie et de Flandre, toiles de France et d'Allemagne, cotonnades du Midi et de l'Orient, soieries de Gênes, de Lombardie et de Venise, mousselines de l'Inde. Art ! Art ! Criaient les sergents le soir du 10e jour, et les draps disparaissaient. Ils cèdent la place aux cordouans, aux pelleteries, alors s'étalent les cuirs d'Espagne et du Maroc, imités en Flandre et en Allemagne, les pelleteries et les fourrures des Anséates. Mais depuis le début, les marchands d'avoir de poids exposent aussi leurs denrées, épices, médicaments, teintures, sel, graisse, sans oublier la soie brute, le chanvre et le lin. Les maquignons, jusqu'à la dernière heure, vanteront les perfections de leurs chevaux et de leurs bêtes de somme. Les paysans prôneront les qualités de leurs bestiaux. Les changeurs, à la fin, dressent leurs tables, les couvrent d'un tapis et d'une paire de balances, de sacs pleins de lingots et d'espèces variées, et sur ces modestes établis viennent aboutir toutes les transactions de la foire. C'est une vaste fourmilière, rien n'y manque, ni les jongleurs, ni les batteleurs, ni les folles femmes. L'un s'approvisionne, l'autre vend. Les courtiers vont de l'un à l'autre, l'on cause, l'on s'informe, on discute, on calcule, on traite en bons amis, mais parfois aussi l'on crie et l'on jure. « Eh non, Dieu, par les membres, né par la vie, je n'en donnerai mis pour main. Né par la cervelle, né par la boche, je n'en donnerai plus. Art, art !» crie le héros, et la foire est terminée. Principaux centres de commerce au XIIIe siècle. Que nous sommes déjà loin du Xe siècle, de ces âges de misère où chaque domaine devait subvenir à ses besoins, où la famine pouvait décimer des populations entières sans que l'échange ne vînt atténuer le mal. Déjà, certaines villes avaient profité mieux que les autres de cette renaissance, et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, elles devaient rester les métropoles commerciales de l'Europe. En Germanie, c'étaient les villes du Sud, de la Bavière, celles qui s'alimentaient au grand courant du trafic italien, comme Augsbourg et Nuremberg. C'étaient aussi les ports de la Baltique et de la mer du Nord, Lübeck, Hambourg et Brême. En France, c'étaient les villes de Flandre et de Picardie, surtout Gand, Bruges et Ypres, qui vendaient leurs tissus dans le monde entier. Quant à l'Angleterre, dont le seul nom évoque aujourd'hui l'idée d'un trafic universel, de fleuves et de canaux navigables, de ports admirables encombrés de navires, de quais chargés des marchandises les plus variées, elle ne comptait pas, au XIIIe siècle, comme puissance commerciale. Nulle part ne s'étaient développés des centres de commerce comparables à ceux de la Méditerranée, comme Barcelone et les villes d'Italie. Si Amalfi avait été ruinée par les Normands, Pise avait des comptoirs à Ptolémaïs, à Tyr, à Tripoli, à Antioche, à Constantinople. Gênes, qui avait aidé les paléologues à renverser l'empire latin de Byzance, possédait de précieuses stations de commerce sur tous les points de l'archipel. À Chios, Mytilène, Tenedos, Smyrne. À Constantinople, elle avait deux faubourgs, Péra et Galata. En s'emparant de Caffa et d'Azov, elle s'assura le commerce de la mer Noire. Venise, sa rivale, était plus opulente encore. C'était, entre les métropoles et leurs colonies, un perpétuel courant d'échange. Ces trois cités retenaient, comme un monopole, tout le trafic avec l'Orient. Fin de la section 46.